La grue cendrée. Cette histoire est maintenant du passé. Un couple de paysans avait un fils unique appelé Kotaro. C'était un garçon honnête et bon qui cultivait le champ familial, coupait le bois pour aller le vendre à la ville. Économe et travailleur, il était le soutien de ses vieux parents. Kotaro était un homme juste, et sur lui, les dieux veillaient. Un matin, il travaillait dans les bois quand il entendit un faible bruit qui semblait provenir de la cime d'un pin. Coulou, ou, ou. Il prêta l'oreille. Silence. Mais comme il suspendait un instant sa hache, il crut percevoir à nouveau cet appel. Coulou, ou, ou, ou. Y a-t-il quelqu'un ? Demanda-t-il en levant les yeux vers les plus hautes branches. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, je suis blessé, fit une voix mélodieuse. Kotaro entreprit aussitôt de grimper. Il se hissa jusqu'aux branches les plus élevées. Arrivé au sommet, il découvrit, à moitié dissimulée sous les feuilles, une grue cendrée, dont une aile déchirée pendait tristement sur le côté. C'était une créature de rêve. Elle était grande, le maintien plein de noblesse, malgré sa blessure, de longues pattes fines, une huppe délicieuse, posée sur le croupion, ajoutait à sa grâce. Elle avait un cou délié. Sur la nuque, l'on distinguait l'adorable tache rouge alizarine qui signe l'espèce. Et cette couleur cendrée, dans tous les tons d'ardoise, ces accords de gris, nuancés d'argent au jeune soleil de l'aube. Kotaro tomba sous le charme. Il entreprit de la secourir. Il ne pouvait la déplacer. Il se mit en quête d'eau et de nourriture. Ainsi, pendant plusieurs semaines, il la soigna. Il parlait. Elle lui conta son histoire. « Il y a des airs, lui dit-elle. J'étais une princesse à la cour du grand empereur Mahayana, dont 1000 rois étaient sujets. Ce grand monarque avait 3 fils. Mahanada, l'aîné, le puiné, Mahaveda, et le benjamin, Mahasattva. Je devais épouser l'aîné, mais j'aimais le benjamin, qui était tendre et doux. Je m'enfuis avec lui. On nous rattrapa et je fus mise à mort. Depuis, je suis enchaînée à la roue de la vie. Et je poursuis le cycle des renaissances. Kotaro, dit-elle un soir, tu me rappelles Mahasattva, le plus jeune fils de l'empereur Mahayana. Comme lui, tu es tout et bon. Le lendemain, quand Kotaro grimpa au sommet du pin, la grue cendrée n'était plus là. Guérie, elle s'était envolée. Alors le jeune homme sombra dans la mélancolie. Il travaillait en silence, ne mangeait plus. Ses parents s'inquiétaient. Sa mère, qui était une femme dure et pratique, se lamentait ainsi. « Que deviendrons-nous si notre fils meurt ? À peine si j'ai pu cacher 12 piécettes de cuivre dans un pot, nous n'aurons bientôt plus rien. » Elle se tordait les mains de désespoir.